chercher aussi loin que j'ai pu. J'ai pas crié, non, j'ai pas pleuré non plus. Juste bougé, mais j'étais en manteau. Voyager, mes hivers près de l'eau. J'ai chanté. La la la la la la. Chercher un cheval sur le dos, des idées d'un monde un peu plus beau. J'ai chanté. Partir c'est un bateau, je le sais, c'est le vent qui fait la la la la la la. C'est le vent qui fait.